des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie. Bonjour Jean Mauduit. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un ouvrage que vous qualifiez de perle rare. De quoi s'agit-il ? Effectivement. C'est un ouvrage à quatre mains, édité par Flammarion, au prix de 19 euros, écrit par Anne Bockel et Étienne Kern, qui le consacre à une histoire, c'est le titre, des haines d'écrivains. Des haines ? Ah. Des haines. Ça m'a léché. Oui, vous pouvez, parce que c'est un monument d'érudition brillante qui a le grand mérite, si c'est un mérite, de démythifier la quasi-totalité des écrivains du XIXe siècle. Mais pourquoi ce ne serait pas un mérite ? C'est la fameuse histoire de la bouteille à la mer. Je me souviens d'avoir, il y a bien longtemps, eu ce sujet à traiter à l'entrée de l'école. Est-ce qu'on doit prendre les textes des écrivains tels qu'ils sont, ou bien s'adonner à l'histoire critique et montrer les petits côtés des grands hommes ? Je ne suis pas tellement d'accord avec cette deuxième position. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se contenter du message dont chacun est dépositaire ? Mais donc finalement, vous aimez mieux les œuvres des écrivains que les biographies sur les écrivains ? Mon côté vertueux, oui. Bon. La part vertueuse de ma personne, oui. Mais il faut bien faire un peu de people quand même, de temps en temps, comme on dit maintenant. Je ne suis pas très fou de people. Et je pense qu'il ne sert à rien, d'un point de vue littéraire, d'arracher les plumes de l'aigle, si vous me permettez cette métaphore. Et d'autre part, mon côté moins vertueux, et même pas vertueux du tout, a pris un plaisir jubilatoire à la lecture de cet ouvrage. Les auteurs sont tous deux anciens normaliens. Ils traitent du sujet avec tellement de brio que je les soupçonne de s'être jetés dans l'entreprise avec un enthousiasme canularesque. À vrai dire, les haines, c'est toujours séduisant quand c'est bien écrit. Justement, c'est ça, les haines d'écrivains ont deux caractères. D'abord, elles sont inexpiables. Elles durent toute la vie, en dépit des raccommodements aussi laborieux que factices. Et il faut ajouter que les haines rassies de vieillards, couverts de dorures et d'honneur, n'ont rien à envier aux haines flamboyantes des jeunes auteurs qui débutent dans la carrière et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et d'autre part, vous avez raison de le souligner, ce sont des haines d'écrivains. Donc c'est bien rédigé, voilà. Ce sont des haines bien écrites. Voilà. Ou bien parlées, puisqu'il arrive souvent que l'écrivain qui déteste un autre écrivain se laisse aller dans les salons, il y en avait beaucoup à l'époque, à des propos qu'il cisèle parce qu'il sait bien qu'ils seront publiés dans la presse. Si bien que le tissu de détestation que nos auteurs Anne Bockel et Étienne Kern ont rassemblé est cousu de talent, de talent. Alors on a tout de suite envie de vous demander des exemples. Vite, donnez-nous des exemples. Première haine. On a l'embarras du choix. Balzac, grand romancier s'il en est, jaloux d'Eugène Sue. Qui pourrait le croire ? Mais il faut dire que l'auteur à succès des deux, c'était Eugène Sue. C'était l'auteur du Juif errant, et Balzac le rebaptise le Suif errant. Vieille Castel, dont le nom est bien oublié aujourd'hui, qui est une espèce de spadassin de la plume, ironise sur la déconfiture de Lamartine vieilli, qui écrit Belle de dette, qui fait un peu de la littérature au kilomètre pour survivre, le pauvre. Il a échangé sa lyre contre une tirelire. C'est très méchant, ça. Très méchant. C'est très méchant. Victor Hugo dit de Chateaubriand qui avance en âge, le voilà qui devient bougon et hargneux, triste chose qu'un lion qui vieillit. Ça, c'est presque plus méchant encore, sous des allures plus diplomates. Victor Hugo encore, sous la coupole, où un certain Empis, il n'a pas choisi son nom, qui est l'ami de Stendhal, et Stendhal le cite en effet, notamment dans ses promenades romaines. Empis vient d'être élu, et se présente, pour l'élection suivante, un certain Jean-Jacques Ampère, qui est le fils du grand Ampère. Et donc Hugo murmure à l'oreille de son voisin, « Je ne sais pas si cela Empis, ni si cela Ampère, mais je suis sûr que cela empire. Ça, c'est le jeu de mots méchants, voilà. Le jeu de mots méchants, ce sont de grands enfants. Ça prouve que l'Académie française n'est pas à l'abri de ses haines et de ses querelles, évidemment. Ah, vous voulez dire que ça en est un lieu de prédilection, pour ne pas dire le lieu de prédilection. Elle en est aussi l'objet. On s'assassine pour y entrer. Si on n'y parvient pas, on se répand contre elle en propos cruels, mordants. Et si on a la bonne fortune d'être élu, on fait profession de la dénigrer et on utilise l'éloge du prédécesseur pour régler des comptes, avec lui au besoin. Et Flaubert a ce mot, la dénigrer toujours, mais tâcher d'en faire partie. Voilà, ça c'est effectivement, l'histoire a prouvé que c'était vrai. Oui. Alors là, il y a quelques exemples, je suppose, encore croustillants. Alors, à nous donner. Eh bien, le jour de l'élection du poète Auguste Barbier, qui a battu le Théophile Gautier par 18 voix contre 14, la protectrice de Théophile Gautier, la princesse Mathilde, qui n'est autre que la fille de Jérôme Bonaparte, donc la nièce de Napoléon Ier, donc la cousine de Napoléon III, qui est au pouvoir à l'époque, traite de cochons les académiciens qui ont voté contre Théophile Gautier. Alors ce qui est drôle, c'est qu'elle les apostrophe à mesure qu'ils passent devant elle en sortant de l'Institut. Et comme ils sont 18 et que la princesse Mathilde est forte en gueule, ces lieux solennels retentissent 18 fois du mot « cochon ». Ça ne se fait plus aujourd'hui, on n'a pas entendu ça, quel dommage. Alors, Vigny, par exemple, est-ce que lui a fait des siennes aussi ? Vigny est l'objet de la vindicte du comte Mollet, ancien président du Conseil, devenu directeur de l'Académie, qui aurait voulu lui faire insérer dans son discours de réception un éloge de Louis-Philippe. Vigny refuse, on a son indépendance quand on est un grand poète, et Mollet lui règle son compte dans un discours meurtrier. Moyennant quoi, le poète de la mort du loup refuse de siéger sous la coupole aussi longtemps que Mollet en sera le directeur. Et il tient parole. Il ne prendra effectivement possession de son siège que le lendemain du jour où Mollet a terminé son mandat. Voilà, une haine vraiment recuite. Recuite, c'est bien. Et alors, Victor Hugo, dans l'histoire d'un crime, raconte qu'il croise Mérimée dans la rue. « Tiens, me dit Monsieur Mérimée, je vous cherchais. » Je lui répondis, « J'espère que vous ne me trouverez pas. » Il me tendit la main, je lui tournai le dos, je ne l'ai plus revu, je crois qu'il est mort. Ah ça oui, ça c'est pas très gentil très dur, non plus. Hein. Léon Blois, à propos du célèbre J'accuse de Zola. « Je ne sais si le capitaine Dreyfus pourra un jour être réhabilité de sa trahison prétendue, mais en supposant une telle victoire, comment pourrait-il jamais se réhabiliter et se décrotter de la chevalerie de M. Zola ?» Léon Blois encore, à qui Paul Bourget demande « Enfant Blois, vous me détestez donc bien ?» répond « Non, mon ami, je vous méprise. » Oui, c'est pire. Alors, ce Blois, quand même, cultive la haine. Hein. Très méchant. Des invectives, bon. Avec beaucoup de talent. C'est un grand talent. Alors, Blois, toujours, écrit un article pour le Mercure de France sur le roman de Zola, Lourdes. Vous savez que sur la fin de sa carrière littéraire, Zola a écrit les Trois Capitales, je crois. Et il a écrit aussi Lourdes. Bon, ce n'est pas le meilleur de Zola. Eh bien, Blois donne comme titre à son article, avant de l'écrire d'ailleurs, « Le crétin des Pyrénées ». Alors, Vieille Castel, que j'ai cité tout à l'heure, consacre à Eugène Sue qui vient de mourir cette épitaphe dont vous apprécierez la délicatesse. Mardi 4 août 1857, mort d'Eugène Sue, c'était un médiocre écrivain, sans moralité, sans conviction, un mauvais sujet dans toute la force du terme. Et alors, ma grande surprise, je dois dire, c'est d'avoir constaté que Baudelaire lui-même n'échappe pas à ses haines, non seulement parce qu'il les subit aussi, ça c'est pas très étonnant, mais parce qu'il les entretient pour son propre compte. Dans « Mon cœur mis à nu », un livre de souvenirs, il écrit à propos de George Sand, la grande George Sand, une des premières féministes, pas la première, mais une des premières, « Elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde, elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Et tenez-vous bien, il ajoute, que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'écrirait plus comme ça, non, tout de même. On ne se permettrait d'abord, pas ça. On se permettrait pas d'exprimer pas. Sa haine comme non, ça. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Oui, là, il y aurait diffamation tout de même. Il y aurait diffamation. Oh, il y a eu récemment encore un journal du nom de Minute qui s'abandonnait volontiers à ce genre d'imprécation. Mais pas à ce point-là. Bon, alors encore quelques-uns pour nous. Alors Edmond Goncourt, à propos de la poésie de Heredia, un feu d'artifice sur lequel il a plu. Ça, c'est assez joli. Et alors, il faut dire, pour bien comprendre, que Heredia était bègue et qu'il crachotait en parlant. Ah oui, en plus. D'où la pluie dont il est question. Et Hugo consacre au grand catholique Louis Veuillot, dans Les Châtiments, s'il vous plaît, ces vers. C'est ainsi qu'outrageant gloire, vertu, génie, charmant par tant d'horreur quelque niais fougueux, il vit tranquillement dans les ignominies, simple jésuite et triple gueux. Ouais, mais c'est quand même beau le talent. Oui. Alors, il est vrai que Baudelaire dit de Hugo, il a toujours le front penché, trop penché pour rien voir, excepté son nombril. Ah oui, Baudelaire avait de bons ennemis, hein, tout de oui, même. Oui, oui. Et alors, la plus belle, peut-être, c'est Victor Hugo qui traite son ennemi Sainte-Beuve de Sainte-Bave. Bon. Vous savez que les deux hommes étaient liés par une inimitié profonde, oui, à laquelle se mêlaient quelques problèmes de conjugalité pour Hugo. Mais là, vraiment, Sainte-Beuve et Sainte-Bave, c'est fort. Alors, on se demande quand même pourquoi tant de hargne, pourquoi tant de haine, comme disait notre poète. Oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la vanité de l'écrivain, qui est toujours plus ou moins, je dirais, constitutive de son être. Ensuite, il y a une raison d'ordre financier. Les auteurs qui tirent le diable par la queue jalousent ceux qui ont la chance de connaître les grands tirages. C'est l'histoire de Jeanne Sue, qui s'attire la détestation de beaucoup de ses confrères, au seul motif que ses romans obtiennent un extraordinaire succès populaire. Et puis des raisons idéologiques. Et politiques aussi, politique, oui, c'est ça. C'est oui. Ça. Le fait qu'on appartienne à tel clan politique, voire à telle école littéraire. Alors, la politique attise les rancœurs, violemment, elle n'est pas la cause principale. Bien entendu, un royaliste, un républicain ou un libéral, comme on disait à l'époque, ne se voue pas une tendresse particulière. Et ça contribue à renforcer le cocktail, à le poivrer. Alors, quant aux écoles, c'est un passage très intéressant du bouquin. Anne Bockel et Étienne Kern, nos deux compères, là, en font justice. Le romantisme, par exemple, précise-t-il, n'a jamais constitué un groupe dogmatique et donc a rarement donné naissance à des querelles intestines. En revanche, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les doctrines littéraires se sont érigées en système, Parnasse, naturalisme, symbolisme, et du haut de ces théories ou de ces écoles, on s'injure copieusement. Ainsi, la querelle qui opposera Edmond Goncourt à Zola et Zola à Huysmans. Mais il y a une autre raison, plus générale, du foisonnement des haines littéraires. C'est la mutation de la société et par conséquent celle du statut d'écrivain. Plus le système industriel avance dans sa constitution, je rappelle que les années 1830-1850 sont des années charnières de transformation de la société, plus le succès se mesure en nombre d'exemplaires diffusés, encore que les diffusions soient chétives à l'époque. Mais pour exister, en tout cas, il faut vendre. Et pour vendre, et là apparaît quelque chose qui nous est à nous familier, pour vendre, il faut se faire connaître. Il faut faire parler de soi. Voilà, tous les moyens sont bons. Et un duel, c'est très vendeur. Ou, à défaut de duel, une bonne querelle, relayé voilà. Par les journaux. Un coup d'épée verbal, c'est pas mal non plus. Et éveille son appétit. Alors, naturellement, il faut souligner que la puissance de la presse est à son apogée. Songez qu'il existe à Paris, au milieu du 19e siècle, 21 quotidiens et 89 périodiques, sans compter les feuilles d'annonce. Beaucoup d'écrivains, parmi les plus grands, gagnent leur vie en publiant leurs romans en feuilleton, dans les journaux. Ou en écrivant des papiers de critique littéraire. Si bien qu'à la fois le milieu écrivain est très fourni, très combatif, et que le milieu des critiques est également très nombreux et très combatif aussi. Donc il y a, dans une espèce de relation dialectique, naissance d'une grande presse et d'une grande corporation d'écrivains. Et la critique littéraire, en particulier, s'est établie comme véritable tribunal. Tous les journaux quotidiens ou pas ont leur chronique, où siègent contradictoirement des juges. Ils sont eux-mêmes, la plupart du temps, des écrivains plus ou moins accomplis. Sainte-Beuve en est le prototype, qui est le critique des critiques et qui, face au génie, on peut dire accablant, de Victor Hugo. Victor Hugo est l'homme qu'on trouve dans toutes les avenues, toutes les ruelles. Il bouche son siècle, en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça que le ressentent ses distingués confrères. Par rapport à Victor Hugo, Sainte-Beuve fait figure de contre-pouvoir. Alors aujourd'hui, on a plutôt l'impression que la critique littéraire, en tout cas dans les journaux, elle a tout de même une part un peu plus réduite, restreinte. On traite de peu de livres, d'une certaine façon. Qu'on a plutôt tendance, non pas à développer une haine envers son ennemi, mais plutôt une dérision, moi j'ai l'impression. Enfin, en tout cas dans la télévision. Oui, ou on l'ignore, effectivement. Le ton a bien changé, tout à fait. Voilà, on se moque, mais c'est moins hargneux, tout de même. Oui. Alors, d'une part, vous usez d'une grande litote lorsque vous dites qu'il n'y a plus beaucoup de critiques littéraires. Il n'y en a pratiquement plus. Il y a une demi-douzaine de... Il y a des notules de livres. Oui, qui démontrent que le critique n'a pas toujours lu l'auteur dont il juge. Moi, j'ai connu, dans mes débuts, de critiques, non pas littéraires à l'époque, mais dramatiques, les derniers grands juges, Robert Kempf, par exemple, dans Le Monde, avait une espèce de tribune sacrale et personne ne se hasardait à commencer son papier avant d'avoir lu celui de Robert Kempf. On a connu comme ça quelques grands noms. Il n'y en a plus aussi bien pour le théâtre, il n'y en a plus du tout, que pour la littérature. Alors, en fait, je déplore en quelque sorte la mort des critiques littéraires, même si j'exagère un peu. C'est pourquoi j'attends avec impatience le prochain volume, j'espère qu'il est dans leur programme, de Anne Bockel et Étienne Kern, pour mettre à jour l'histoire des haines audiovisuelles et numériques. Voilà une idée. N'est-ce pas? Merci Jean Mauduit, merci pour cette lecture. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage de Anne Bockel et Étienne Kern, ça s'intitule « Une histoire des haines d'écrivains ». Il y a un petit sous-titre « De Chateaubriand à Proust » et c'est publié par Flammarion. Merci Jean Mauduit, à bientôt pour une prochaine chronique. Volontiers, à bientôt.